plaine immense. Et la peine est tendre, s'étend et s'enfuit. Quand la haine revient jusqu'à minuit, elles vendent leur corps. L'ennui, j'ai pitié de la mer, mais je voudrais la vie, tuer ce qu'ils espèrent pour qu'ils soient finis. Passerai la rivière, marcherai sous la pluie, avaler quelques verres, je serai maudit. Pour rester en vie, j'ai bien quelque chose à faire et à fuir les pourris. Je construirai.